bail d'habitation, SCI familiale et relogement. Un propriétaire ne peut résilier le bail d'habitation d'un locataire âgé que sous certaines conditions. Ce principe s'applique à tous les contrats en cours et la loi Macron a étendu cette protection aux locataires de 65 ans et plus. En pratique, le propriétaire ne peut pas s'opposer au renouvellement du bail, sauf à proposer un logement de remplacement lorsque son locataire remplit les deux conditions suivantes. Être âgé de plus de 65 ans à l'échéance du bail et justifier de ressources annuelles inférieures au plafond retenu pour les prêts locatifs à usage social, dit plafond plus, soit environ 20 000 euros par an en province et 23 000 euros en région parisienne. Notez que cette protection joue aussi lorsque les conditions sont remplies par une personne à la charge du locataire et vivant habituellement dans le logement. Par exemple, dans le cas d'un locataire de 50 ans, ayant à sa charge sa mère âgée de 80 ans qui vit avec lui, si leurs revenus cumulés ne dépassent pas le plafond. Attention, le locataire ne peut pas faire jouer ce droit lorsque le bailleur est lui-même âgé de plus de 65 ans, peu importe alors ses ressources, ou si le propriétaire peut justifier lui aussi de ressources annuelles inférieures au plafond prévu, peu importe alors son âge. Lorsque le bailleur qui donne congé est une SCI familiale ou une indivision, il doit faire une offre de relogement à son locataire âgé de plus de 65 ans disposant de faibles ressources, et ce, même si l'associé de la SCI, bénéficiaire de la reprise, est lui-même âgé.